107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, je suis aujourd'hui avec Bernadette Butiot qui va nous faire plonger dans son univers. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Bonjour, je suis Bernadette Butiot, je suis originaire de la Haute-Saône, j'ai plus de 70 ans, après ma jeunesse en Haute-Saône, je suis partie à Lyon pendant 45 ans à peu près et je suis revenue il y a 4 ans au Tillot près de mes ancêtres qui sont dans un cimetière de Haute-Saône. Vos ancêtres, c'est-à-dire ? Eh bien, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui tous faisaient du dessin, on dira. Ils vous ont transmis votre passion pour... Voilà, et moi c'est dans mes gènes. D'accord, super. Je l'ai toujours senti comme ça. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre passion pour l'art, Bernadette ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'art ? L'expression personnelle. Je peux pas bien dire, parce que comme depuis toujours j'ai ça dans le sang, je peux pas bien dire. Pour moi c'est évident. Qu'est-ce que vous dessinez ou qu'est-ce que vous peignez ? Tout ce qui me passe, surtout qui me passait sous les yeux. J'ai travaillé 20 ans dans les hôpitaux à Lyon et j'ai toute une série de dessins faits ou sur place ou avec ma mémoire visuelle où j'ai les soignants que j'ai d'ailleurs exposés à la médiathèque du Tillot. Alors on voit la femme de ménage, on voit les médecins, on voit les malades, ça dessiné au crayon feutre à l'époque. Les crayons feutres, c'est à peu près quelle taille ? C'est les crayons feutres C'est les feutres comme les gamins, feutres noirs. C'est seulement du dessin, du croquis. Est-ce qu'il y a un ou une artiste qui vous a donné envie de vous mettre à la peinture ou au dessin ? Non, c'est en moi. Et qu'est-ce qui vous inspire un peu tout, finalement ? Oui, du moment que je peux transcrire sur une feuille, oui. Et quand vous peignez, vous utilisez quoi ? De l'aquarelle, de l'huile ? Alors maintenant, au début, j'avais très peur, évidemment. Et puis petit à petit, je fais de l'huile, de la gouache, de l'aquarelle, du pastel. Je peins aussi sur porcelaine, sur verre. Je fabrique des lampes parce que j'aime beaucoup la transparence du verre. Voilà, alors j'étudie un peu tout ça. Et entre la gouache, l'aquarelle et l'huile, c'est lequel le plus facile à manipuler et le plus difficile à manipuler ? Le plus facile, c'est l'huile, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord. Et le plus difficile, c'est l'aquarelle. Et l'huile, c'est de la peinture très très fine, c'est ça ? Non, c'est épais. Non, c'est épais. L'huile se travaille en épaisseur. Alors que l'aquarelle se travaille dans l'eau, c'est beaucoup plus délicat, surtout qu'on ne peut pas trop corriger. L'huile, on peut corriger tant qu'on veut. On rajoute une couche et on voit plus ce qu'il y a en dessous. Et sur quel support est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez sur des feuilles, sur des toiles ? Oui, sur ce qu'il faut. L'aquarelle se peint à plat sur des feuilles à aquarelle, du papier épais, à plat pour pas que l'eau dégouline par terre. Puis pour garder son eau imprégnée dans la feuille, l'huile se travaille verticale, enfin trois quarts sur un chevalet, c'est mieux à sa hauteur, pour pouvoir prendre du recul, voir de loin ce que ça donne. Je me rappelle qu'à l'école, on utilisait de la gouache, mais c'était une peinture assez épaisse aussi, oui, je crois. Oui, la gouache peut se travailler pareil que l'huile. Vous pouvez la travailler en épaisseur, pareil, sans eau. Puis vous pouvez, à l'école, on apprend avec de l'eau. Parce qu'on peut diluer, c'est plus facile. L'avantage de la gouache, c'est que c'est moins cher que le tube de peinture à l'huile. Et j'imagine que vous avez plusieurs tailles de brosse ? Oui, oh, pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de matériel, moi, je fais avec pas grand-chose. Oui, je dois en avoir trois tailles. Alors vous avez une autre particularité, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je peins au couteau. Eh bien, le couteau, c'est une petite spatule. Alors, la brosse, c'est, disons, un pinceau en poil de porc, il me semble. Et le couteau, c'est une petite spatule, comme les maçons. Il y a plusieurs tailles. Vous prenez la taille qui vous convient. Et puis, on étale sur le support. Ou bien, on étale la matière sur le support pour donner les effets qu'on veut. Autrement, une autre à côté, en même temps, on peut prendre avec la tranche de la spatule en question et on fait des choses coupantes, si je peux dire, des traits qui transforment la surface étalée avec la surface du couteau. Ben, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier dessin et de votre toute première peinture ? J'ai gardé ma première peinture, je devais avoir dans les 7 ans. On était allés avec nos parents, je suppose en Bretagne ou par là au bord de la mer. Alors j'ai une peinture avec un phare sur une feuille de cahier de brouillon. Un phare et puis la mer et puis des gros cailloux, c'est des gros ronds noirs, les cailloux. Et puis nous, au-dessus du phare, voilà, les parents et puis nous, tout petits. Et puis il y avait des oiseaux aussi, j'ai des oiseaux noirs aussi. Je m'en souviens, je l'ai gardé. Nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de faire connaissance avec vous. On vous laisse avec Calogero et son titre Drôle d'animal. On se retrouvera juste après sur Radio Guémozo. Chasse les oiseaux qui sous l'eau ne sait pas respirer. Mais qui suis-je donc pour me croire le plus fort, pour me croire tout permis, me donner le droit de vie et de mort? Que dire encore? Je suis le moins humain des animaux. Je suis le pire. Je pense à rien qu'à sauver ma peau. Pour ainsi dire, le plus sauvage des fauves en cage. Je suis de loin le moins beau. Qui invente la bombe? Qui se moque du monde? Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Bernadette. Alors, quelle couleur utilisez-vous le plus et pourquoi ? Le vert, violet, parce que faut faire des mélanges, hein, autrement ça vaut pas le coup. Donc, vert, violet, les tons froids, enfin ça dépend. Il faut toujours équilibrer avec une couleur chaude. C'est toute une pratique, une longue pratique. Vous êtes venu avec des photos de quelques-unes de vos œuvres. J'ai vu que vous utilisez aussi un peu de rouge pour certains de vos œuvres. Oui, eh oui, parce que l'exposition sur la guerre, la guerre me fait horreur. Il y a beaucoup de la guerre, il y a du sang, il y a de la colère, il y a du sang, des obus, des choses comme ça. Donc ça, le rouge exprime bien, à mon sens. Je voulais partager avec vous une citation de Christine Saint-Pierre qui dit que la peinture, c'est un peu comme les voyages. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Oui, un petit peu. Enfin, ça dépend quel voyage. Pour moi, la peinture, c'est surtout un voyage intérieur. Surtout. C'est en fonction de ce que vous, dans lequel oui. état d'esprit vous peignez, oui. vous dessinez, c'est oui. ça ? Oui, parce que suivant l'état d'esprit où je suis, l'idée qui m'est venue, je choisis ma technique. On ne fait pas de l'aquarelle dans le même état d'esprit que de la gouache ou de l'huile, surtout au couteau. C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'en plus d'être une passion, est-ce que c'est un exutoire, l'art pour oui, oui, oui, oui, bien sûr. Alors, quand on est jeune, je dirais, on s'en rend pas trop compte. Mais après, oui, oui, à force, ça devient, oui, oui, évident. Et quand, enfin, pour moi, je peins quand j'ai une idée, quelque chose qui me plaît ou qui me déplaît. Est-ce que vous préférez travailler dans le silence ou plutôt dans le bruit ? Est-ce que, par exemple, dans le silence. Dans le silence oui, complet. Toute seule dans mon coin, oui, oui, faut. Enfin, moi, je suis concentrée pour faire ça. Puisque c'est un voyage intérieur, je ne peux pas me mettre à écouter ce que dit, raconte le voisin. Bah, certains aiment bien travailler dans la musique parce que ça peut les inspirer aussi. Ah ben oui. Quels sont les différents formats de vos peintures et de vos dessins ? Ben, ça dépend de la taille du bloc que j'ai acheté. Et puis après, je m'adapte. Enfin, le plus grand, c'est le format raisin. Format raisin, c'est la taille des cartons, des grands cartons à dessin. Là, je sais pas combien ça fait. Et puis le plus petit, c'est 20. Mais j'aime pas le plus petit. Je peux plus m'exprimer avec du plus petit. Comme je n'ai plus peur, j'ai pas peur du grand format. Et justement, quel est le plus grand format sur lequel vous avez déjà travaillé, que ça soit pour la peinture ou pour le dessin ? Je sais pas, moi, 60 sur 80, par là. Enfin, je sais pas exactement la taille, mais c'est ça, le format raisin. Et le format le plus petit, c'est quoi ? Vous ayez déjà peint ou dessiné ? Quand j'étais gamine, je faisais tout petit parce que j'étais pas assez développée. Et puis maintenant, le plus petit, c'est le format des blocs, des petits blocs là, qu'on achète 25 sur, 21 sur 30, par là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dessiner, par exemple, sur un support qui est aussi petit qu'une photo ? Quand j'avais 15 ans, oui, mais plus maintenant. Et du coup, c'est quoi qui est le plus difficile de faire sur du grand ou du petit format ? C'est le plus petit, le plus difficile. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler d'une exposition qui se déroule à la médiathèque du Tillot jusqu'au 28 novembre. On vous laisse avec Florent Pagny et Zazie. On se retrouvera juste après sur le 107. Passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La la la la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La la la la la la la. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi, mais je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi.

retour sur les ondes de RGM avec Bernadette. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming via notre site stream.radioguemozo.eu/live ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Vous pouvez toujours nous écouter localement sur le 107. Alors Bernadette, vous m'avez laissé la liberté de choisir les pauses musicales. Qu'en avez-vous pensé ? Qu'elles sont tout à fait adaptées à la situation de mon exposition et à la situation du monde en général. Vous connaissiez les chansons-là avant, non ? Non. Ce sont une belle découverte pour oui, vous, du coup. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre toute première exposition ? Non, j'ai travaillé longtemps dans un centre social. Et en fin d'année, il y avait l'exposition, on mettait nos travaux, voilà. Apparemment, c'est tout ce que les débuts, ça a été comme ça. Et est-ce que vous avez le trac à chaque exposition de vos œuvres non, ou pas ? Non, non. Et où est-ce que vous avez déjà exposé vos œuvres ? À Lyon, dans un centre, dans une maison des jeunes. Et puis là, à Château-Lambert, au printemps, j'ai exposé sur le « Envoûtant plateau des mille étangs ». C'était le titre où j'avais peint les étangs sous différentes formes. Voilà. Et j'ai exposé mes dessins sur le personnel des hôpitaux. Ça doit être aux environs des confinements, à la médiathèque du Tillot où j'habite. Est-ce que, comme certains artistes, vous pensez qu'une fois que vous partagez vos œuvres avec le public, ça ne vous appartient plus, mais ça appartient au public. Par exemple, est-ce que quand vous dessinez quelque chose, vous avez votre propre perception de votre œuvre et le public peut en avoir une autre ? Ah ben évidemment, oui, c'est fait pour. La peinture, comme je la conçois, c'est pas une photo, c'est pas un documentaire, c'est fait pour toucher l'autre. Alors justement, vous me disiez hors antenne que vous préfériez la peinture au couteau pour ça. Oui, oui, oui, parce que on ne peut pas faire de détails et c'est ça qui fait rêver quand il n'y a pas de détails. S'il y a trop de détails, c'est un documentaire, c'est une photo, c'est pas du tout pareil. À mon avis, ça touche moins parce que la photo, on ne met pas de soi dedans, alors que la peinture, si. Vous exposez vos œuvres à la médiathèque du Tillot depuis le 7 novembre et jusqu'au 28 novembre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai surtout fait ce travail. J'ai commencé parce que quand j'ai commencé à travailler la guerre, j'avais une vieille toile que je ne savais pas quoi en faire. Donc, il ne me plaisait pas. Donc, je l'ai grattée, j'ai nettoyée et j'ai peint déjà un monument, une stèle qui se trouve au fin fond des bois, dans un endroit complètement perdu, avec une liste épouvantable de morts. Et alors j'ai été prendre une photo de ça et j'ai peint sur ma toile nettoyée pour expurger la guerre dont j'avais tellement entendu parler par mes parents. Ça a commencé comme ça. Et là-dessus est arrivé Monsieur Poutine. Alors après, j'ai continué dans le même esprit, je me suis promenée et puis j'ai vu d'autres monuments malheureusement. Alors j'ai peint les monuments, puis les idées sont venues petit à petit. Et j'ai fait tout à la forme personnelle, alors la guerre me glace, la guerre me brûle, la guerre me révolte, j'ai tout mis à la forme personnelle pour que celui qui regarde soit interpellé, parce qu'autrement, on peint un monument aux morts, on dit « oh ben oui, là c'est à tel endroit », donc c'est pas du tout la même chose, pas du tout le même ressenti. Je ne fais pas du documentaire. Et c'est quoi le thème de votre exposition à la médiathèque du Tillot ? Le titre, c'est « La guerre me fait horreur ». J'ai gardé la même forme personnelle. Je m'étais demandé, j'allais dire « absurdité de la guerre », mais non, j'ai mis comme les tableaux. « La guerre me fait horreur ». Pourquoi ce choix de la guerre, Bernadette ? Parce que j'ai commencé, j'avais tellement entendu parler de la guerre par mes parents et ma grand-mère qui avait connu les deux guerres, elle. La guerre de 14 et la guerre de 39, elle a été gâtée, ma grand-mère, et mon grand-père avec. Et puis j'ai voulu, quand j'ai peint mon premier tableau sur la guerre, je me suis dit, je ne veux plus en entendre parler de la guerre. Et après, j'ai continué, puisque M. Poutine a débarqué, et ça m'a brassé, ça m'a remué. Donc j'ai dit, mais c'est pas possible, ça va encore recommencer. Donc j'ai fait la suite des peintures. C'est par la peinture que j'expurge mes émotions. Vos grands-parents ont vécu les deux guerres, mais vous deviez entendre beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Plus ou moins. Pas surtout par ma mère. Ma grand-mère, non. De temps en temps, elle poussait des soupirs en disant « Ah, mon Dieu !» Mais c'est à peu près tout. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exposer vos œuvres à la médiathèque du Tillot ? Ben parce que c'est là où j'habite et puis parce que les dames sont très sympathiques et puis je suis, oui, je fréquente la médiathèque et puis il n'y a pas beaucoup d'autres endroits dans le secteur. Et puis je ne veux pas trop me donner de mal pour chercher, je ne suis plus en âge à chercher le succès. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu à la médiathèque pour échanger avec des visiteurs de vos peintures et de vos dessins? Non. Est-ce que vous envisagez de le faire ou pas? Non plus. D'accord. J'aime pas trop. Il y a un cahier hein, où les gens peuvent écrire. Je suis passée il y a quelques jours. Il y a deux personnes qui ont écrit. C'est pas trop. Les gens, ils osent pas. Ils osent pas mettre ce qu'ils ont ressenti. Ça fait peur, ça. J'ai vu que vous étiez venu avec un petit article qui est passé dans Vosges Matin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, j'ai été interviewée à la médiathèque. Je sais pas comment il s'appelle, le monsieur. Il est venu puisque moi, je suis que depuis 4 ans dans le secteur. Je connais pas grand monde. Et il m'a fait parler de ce que je raconte là aujourd'hui. À peu près la même chose sur la guerre. Et il a beaucoup insisté, lui, sur le ressenti que les gens allaient ressentir, justement. Les émotions que ça allait leur provoquer. C'est pour ça que j'ai marqué la forme personnelle que j'ai écrit sur les tableaux. Chaque personne a une différente perception de l'œuvre de laquelle il regarde, finalement. Ben, bien sûr, bien sûr. Il y en a un qui regarde un tableau, il dit « Oh, c'est très beau », et puis le voisin, il dit « Non, non, ça me plaît pas du tout ». Donc après, c'est fait pour ça, l'art, pour provoquer des émotions. Finalement, il faut laisser aller son imaginaire. Eh bien, bien sûr. D'accord. Oui, il faut se laisser aller. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'ils n'écrivent pas sur le cahier. Disons qu'il faut plus s'attarder à regarder l'œuvre que de regarder juste en passant et de passer à la suivante après. Ben oui, si possible. Ben oui. Est-ce que vous avez, par exemple, vous, un tableau célèbre qui vous plaît à regarder comme ça, ou un dessin? J'ai pas bien de pensée, j'en ai reproduit quelques-uns. J'avais reproduit dans le temps un Monet, le Fifre, un garçon qui joue de la flûte. Je crois que c'est un Monet. C'est Monet ou Manet, je ne sais plus lequel des deux. Et puis j'ai reproduit, que j'ai toujours chez moi, des danseurs, c'est du Renoir. Il y a un monsieur puis une dame qui danse avec une grande robe blanche à volant, enfin voilà, un Renoir que j'ai reproduit. Est-ce que vous avez déjà vu le tableau de Munch, Le Cri? Oui, oh ben oui. Est-ce qu'on pourrait l'affilier à la guerre aussi, celui-là? Oh ben, on l'affilie à tout ce qui est affreux. Cette œuvre m'a beaucoup marquée, parce qu'on l'avait étudiée quand j'étais à l'école option art plastique, et je l'avais reproduit en argile, moi. Ah oui. J'ai perdu ma fibre artistique, j'ai arrêté de pratiquer. Oh ben, on peut garder la fibre sans pratiquer. Et puis, vous savez, quand on pratique pendant longtemps, il y a des périodes de repos, hein. On ne peut pas faire ça tout le temps, autrement on devient fou. Là, du coup, ça sera un très long repos parce que je crois que j'ai pas touché à ça depuis que j'ai quitté l'école. Oui, ça fait une vingtaine d'années. Ben voilà. Est-ce que vous avez prévu d'autres expositions non, après non, celle non, du Non, pour Tio? L'instant, non. Est-ce que vous avez des futurs projets en tant que dessinatrice et peintre? Ce que j'aimerais, c'est donner des cours, apprendre, transmettre. Alors, au début que j'étais au Tio, j'avais trouvé dans une association de retraités. Et puis là-dessus, il y a eu le Covid, donc tout s'est arrêté. Et puis ça n'a pas repris, comme beaucoup de choses de ce genre-là. Voilà, donc je suis là, en attente. Mais ça, je l'ai fait à Lyon, j'ai enseigné un petit peu au centre social où j'avais travaillé, j'aimais bien, ça se passait bien. Est-ce que vous aimeriez enseigner par exemple à des résidents d'une maison de retraite ou à des enfants aussi? Non, à des jeunes. Parce que pour l'enseignant, la maison de retraite, c'est bien gentil, mais c'est plus de la thérapie ou de l'entretien de la mémoire, de l'entretien de la personne plutôt qu'apprendre l'art. Parce qu'il y a quand même l'art en premier. Des plus jeunes, c'est mieux. Enfin, pour moi, hein, pour l'enseignant. Mais avant d'être enseignante, est-ce que vous avez pris des cours, vous? Ben, j'ai pris des cours, quand j'étais jeune, quand j'ai quitté mes parents, où il n'y avait pas de sous, fallait pas, et puis tout était interdit. Alors j'ai pris un cours par correspondance à l'époque, que j'ai fait complètement. C'était à Paris, on recevait des devoirs, et puis il fallait renvoyer tout ça, et puis on avait les commentaires. J'avais déjà bien appris, là. Et puis, je me souviens plus bien, tout au début, quand j'ai commencé, j'étais allée aux Beaux-Arts, au cours du soir aux Beaux-Arts, et puis j'ai fait ça pendant vers les années 68. c'est vieux. En pleine révolution. En pleine révolution, oui, oui, dans cette époque-là. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait ça un an ou deux, et puis j'ai trouvé que la prof, elle ne s'occupait pas bien de nous. Moi, j'avais besoin de progresser, qu'on m'enseigne et tout. Et elle nous mettait des plâtres et on dessinait les plâtres comme on voulait, et puis elle passait au milieu, et puis voilà. Donc là, j'ai arrêté. Et puis après, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé toute seule beaucoup, j'ai beaucoup cherché toute seule la lumière, les couleurs, tout ça. Et après, pendant plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, j'ai été une fois par semaine au centre social du quartier où j'habitais. J'étais très assidue, et puis là, je me suis bien rendu compte que j'allais plus vite et mieux, et je faisais mieux que les copines, ben voilà quoi. Mais ça, je le savais déjà. J'ai beaucoup progressé. Puis maintenant, je me suis libérée de beaucoup de choses dans ma tête et mon art a progressé tout seul, si je peux dire. Et justement, que ce soit en peinture ou en dessin, est-ce que la lumière, c'est important? Est-ce que ça peut changer la perception de l'œuvre, que ce soit pour le créateur et le visiteur? Eh bien oui. La lumière, elle a... Si vous faites mettez trois pommes sur une table, suivant comment vous mettez si vous les mettez à droite ou à gauche de la fenêtre, c'est pas du tout la même chose. Et puis c'est les ombres qui apportent la lumière aussi. Ça, c'est une grande découverte. Une fois qu'on a découvert ça, on progresse beaucoup. Et avec cette lumière, est-ce que ça vous permet de choisir telle ou telle couleur, vous ? C'est en rapport avec la couleur de l'objet qu'on peint. Si on peint un objet, je vous dis n'importe quoi, si on peint une pomme rouge, on mettra une ombre, mettons, verte. Si on peint une pomme bleue, je dis n'importe quoi, on mettra une ombre chaude. Enfin, faut voir. Après, c'est des recherches, tout ça. On peut pas dire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite après cette exposition ? D'avoir quelques élèves. Je ne sais pas dans quel cadre... Je ne sais pas, mais voilà, c'est tout. Le reste... La santé aussi ? Oui, oui, oh ben la santé, ça va. Qu'est-ce que vous enseigneriez à ces jeunes ? J'apprendrais à apprendre à regarder ce qu'on voit. Un petit peu de perspective, et puis les ombres, la lumière, les ombres, les couleurs aussi, les gris colorés, très très intéressant, les gris colorés. Bah, cette émission est maintenant terminée, Bernadette. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que de nombreux visiteurs iront voir votre exposition « La guerre me fait horreur » qui se déroulera jusqu'au mardi 28 novembre à la médiathèque du Tillot. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde.